combien de temps réservons-nous à la parole, même dans nos cultes? Il y a des gens qui prennent du temps pour les annonces. Les annonces peuvent prendre plus de 30 minutes, 40 minutes. Et pour la prédication, on dit, bon, tu as 15 minutes, tu as 20 minutes. Soyons sérieux. C'est ça l'essentiel du ministère. Paul dit, c'est pour prêcher l'évangile. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas pour faire prophétie, ce n'est pas pour interpréter les songes. D'abord, c'est l'évangile. Et nous devons focaliser notre attention sur l'évangile. Et il dit, cet évangile, c'est sans supériorité de langage. Ce n'est pas un problème de rhétorique, de verbes, un problème de savoir conjuguer les verbes, d'utiliser le style de langage. Non, c'est un problème d'abord d'être oint par Dieu et d'annoncer la parole par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième vérité, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Le message central que nous devons prêcher la croix. Le message central, ce n'est pas la prospérité. C'est vrai que Dieu bénit, hein. Je ne suis pas contre. En Jésus, nous sommes bénis. Dieu nous bénit, Dieu nous élève, Dieu nous guérit, Dieu nous donne le visa, Dieu nous donne l'enfantement. Mais la croix, la prédication de la croix, c'est ça le message puissant qui transforme l'homme. Beaucoup de gens n'aiment pas la croix. Il faut que la croix de Jésus fasse son œuvre pour que l'homme soit transformé. Avant de monter dans la gloire, Jésus est passé par la croix. C'est par la croix qu'on est brisé. C'est par la croix où le Seigneur enlève tout ce qui est comme saleté dans la vie de l'homme pour que l'homme soit transformé. Et nous devons apprendre à prêcher la croix. Paul dit ceci au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous voyez, les Juifs trouvaient scandaleux de dire que celui qui a été crucifié, Jésus, c'est celui le Messie. Parce que pour eux, un Messie ne peut pas être crucifié. Parce que la crucifixion, c'était une sentence réservée aux gens qui étaient pendus, aux gens qui étaient maudits. Vous voyez, car il est écrit dans l'Ancien Testament, maudit est quiconque qui était pendu au bois. Mais nous devons comprendre pourquoi Jésus a été pendu. Il a porté notre malédiction. Comme le premier homme Adam, il a péché. Et que tous nous avons péché en Adam. La Bible nous dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Jésus nous a représentés. Il est devenu homme, mais lui n'a pas péché. Mais il fallait qu'il soit pendu sur la croix, qu'il soit crucifié afin de payer pour notre rançon, pour notre salut. C'est ça. Et c'est ça la puissance de Dieu. Quand nous passons par la croix, quand nous prêchons la croix, nous aurons des gens qui seront transformés. Oui, pasteur, quand tu ne fais que parler de l'élévation à ton église, tu ne peux que parler de la prospérité. Mon ami, tu auras des païens dans l'église. Il n'y aura pas de transformation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nos églises parfois sont remplies de mystiques, de PD. Il n'y a pas de transformation. Il faut que nous prêchons le vrai évangile qui transforme l'homme. L'apôtre Paul dit ceci. Il cite trois groupes de personnes. Il cite d'abord les Juifs, il cite les Grecs et il cite nous. C'est-à-dire que ceux qui sont sauvés, ceux qui parlent de Jésus. Il dit au verset 22, les Juifs demandent des miracles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a ce groupe-là qui sont comme les groupes des Juifs. Ils mettent l'accent sur ce miracle. Venez, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir. Mais écoutez, les miracles ne doivent pas prendre la première place. Jésus lui-même a dit, allez annoncer la bonne nouvelle, mais voici les miracles qui accompagneront. Accompagner, ça veut dire c'est derrière. Mais il y a des gens qui les mettent maintenant au devant. Il dit, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, c'est la sagesse. Et nous savons que la civilisation grecque est réputée. C'est en Grèce qu'il y avait plusieurs sages de renom. Nous pouvons citer Socrate, Décrate et ainsi de suite. Mais l'apôtre Paul montre que ce n'est pas avec la sagesse qu'on étudie, la philosophie qu'on a étudiée à l'école, qu'on peut sauver quelqu'un. Mais il dit, mais nous, nous prêchons Christ crucifié. Donc, nous devons être de ce côté-là. Ce n'est pas une question de sagesse. Regardez aujourd'hui, les gens commencent à prêcher autre chose. On commence à prêcher le coaching, on commence à prêcher le développement personnel, des choses qu'on lit dans les livres, au lieu de prêcher l'évangile. Revenons à la parole. Revenons à la parole, à l'évangile. Christ est crucifié. Et Paul dit, ce message, c'est ça qui est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Troisième vérité. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Oui, c'est ça Dieu. Paul veut dire que, regardez, Dieu ne choisit pas forcément des gens qui sont élevés dans la société. Vous voyez, il y a des gens qui voient l'apparence. Tu peux voir quelqu'un qu'on méprise. Peut-être quelqu'un dont on ne connaît pas le village. Tu peux peut-être voir une église qui est méprisée. Ce n'est pas une grande église avec des trucs en vitre où beaucoup de gens sont là, où des ministres ou des PDG vont. Mais il peut y avoir un homme de Dieu, une servante de Dieu qui marche dans la vérité, qui a le message dont le peuple a besoin. Donc ne méprisez pas les gens. Dieu choisit parfois les gens qu'on méprise là, les choses qu'on considère comme folles pour sauver. C'est pourquoi Paul dit que vous qui considérez la crucifixion de Jésus comme une folie, mais c'est ça que Dieu a choisi pour sauver. Parce que dans les principes de Dieu, il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et il choisit les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Lorsqu'il fallait choisir un roi en remplacement de Saül, le père de David et ses frères, ils ont méprisé David. Ils ont dit non, celui-là, c'est le petit frère. Lui-là, il a pour métier de garder les brebis. Tu peux être quelqu'un qu'on méprise dans la famille. Celui dont on dit tu ne peux pas réussir. On dit que tu n'es pas intelligent. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour te positionner. Il va arriver cette parole qui dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Toi qu'on méprise, c'est toi que Dieu a choisi. Prends courage parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a un potentiel en toi que Dieu va utiliser. Et cette année 2020, ce potentiel qui dormait va se réveiller parce que Dieu va t'utiliser pour confondre les fortes. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as même pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de compte bancaire. Mais je prophétise que Dieu va te positionner sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Et ceux qui te méprisaient seront dans la confusion. Quatrième vérité, Jésus-Christ est tout pour nous. Paul dit que Jésus-Christ est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Verset 30 dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Que le nom du Seigneur soit béni. Chantons ces cantiques. Dieu a une armée qui s'élève. L'entraîne au camp. la gloire dans le lieu très haut à l'agneau des dieux, la victoire. À Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Amen. Notre émission s'appelle OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, versets 17 à 31. Nous allons prier. Prions pour que dans nos églises, nous mettions l'accent sur la prédication de l'évangile et non sur autre chose. Non sur les visions, non sur les rêves, non sur tout ce qu'on voit ici, aux actions prophétiques, non sur la divination. Que nous retournions à la parole. Parce que Paul dit, Christ m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Père, à toi toute la gloire ce matin pour les bienfaits que tu nous accordes. Quand nous nous réveillons, c'est une grâce de toi. Quand nous regardons le jour, quand nous pouvons nous mouvoir, quand nous pouvons nous parler, quand nous pouvons marcher et faire ce qui est convenable, Seigneur, c'est une bénédiction qui vient de toi. Alors, nous voulons sincèrement te dire merci pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire. Oui, ces choses sont à la suite des promesses de l'alliance que tu as pour nous. Parce que la Bible dit que tu nous aimes, que nous sommes les prunelles de tes yeux, que à cause de nous, tu as fait venir ton fils pour nous racheter à un grand prix. Et tu nous as délivrés des ténèbres pour nous faire asseoir dans les lieux célestes, pour nous faire comprendre les mystères de ce monde, pour nous faire comprendre la révélation des choses cachées. Et pour nous qui sommes éclairés, nous voulons véritablement demeurer dans la lumière. Nous voulons marcher dans la pureté du cœur, dans la sainteté, activement dans la foi. Nous voulons vivre selon l'Esprit. Nous ne voulons pas faire ce qui est contraire à ta volonté, mais faire tout ce que nous pouvons faire pour l'avancement de ton royaume, pour que ton nom puisse être glorifié autour de nous en nous, que ton nom soit magnifié, parce que tu agis toujours, tu te manifestes toujours, tu es toujours Dieu, tu nous gardes toujours, tu combats pour nous toujours, et tu ne permets pas que l'ennemi ait raison de nous. Nous te rendons grâce pour ces merveilles sans fin, ces bénédictions sans fin, ces grâces infinies que tu nous accordes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour que nous puissions prêcher la croix. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les pasteurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à dévier. Ils veulent prêcher un message qui plaise aux hommes quand il y a des personnalités. Mais prions pour que la prédication de la croix, qui est une puissance de Dieu, soit prêchée, soit proclamée, en fait que les gens soient transformés au sein de nos églises. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous prions ce matin au Père éternel pour les hommes de Dieu. Nous prions pour les servantes et les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent donner des messages, des prédications de la croix, que le message de la croix soit prêcher, afin que les âmes puissent être sauvées, afin que des jougs puissent être brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fortifie ton peuple, ô Père éternel. Fortifie tes servantes et tes serviteurs. Nous prions contre toute forme de lourdeur, contre toute forme de tiédeur en ce qui concerne la prédication. Nous prions contre toute forme d'hésitation. L'apôtre Paul déclare, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Père, fais en sorte que ce message de la croix puisse être prêché afin qu'il y ait la délivrance. Par ton Esprit Saint, fortifie tes enfants, Père éternel. Nous disons merci. Merci pour ce message qui apporte la liberté. Merci pour ce message de la croix qui brise les jougs sataniques. Nous prions contre toute opposition à la prédication de ce message de la croix. Nous prions contre tout obstacle au nom puissant de Jésus. Donne le zèle, donne la hardiesse par ton Esprit Saint à tes servantes et à tes serviteurs afin qu'ils puissent prêcher la croix. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu choisit des choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes, les choses qu'on méprise pour réduire à néant celles qui sont. Nous allons prier pour tous ceux qui se sentent méprisés, négligés, afin que le Seigneur, cette année, puisse les relever, puisse les utiliser pour confondre ceux qui existent, pour confondre ceux qui les méprisaient, pour confondre ceux qui sont reconnus comme sages. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dans la prière. Oh Dieu, merci, parce que nous sommes pleins de vie ce matin. Nous sommes dans la joie de te chanter, de te célébrer. Béni sois-tu, parce que les hommes peuvent nous abandonner, les hommes peuvent nous négliger, ils peuvent nous mépriser, des hommes peuvent nous laisser, leurs promesses pour nous peuvent être anéanties. Mais toi seul, tu es Dieu, tu nous aimes. Toi seul, tes promesses pour chacun de nous sont oui et amen. Et ce matin, je veux te prier pour que mon frère, pour que ma sœur à l'écoute, compte davantage sur toi. N'espère point à un homme. Que personne ne mette sa confiance à un homme, fût-il son argent qu'il a, fût-il sa position, son autorité que cette personne a autour d'elle, autour de lui. Donne-nous d'avoir le regard sur toi, d'espérer, de compter sur toi, parce que tu es un Dieu qui n'abandonne jamais. Tu es un Dieu qui dit et la chose arrive. Quand tu ordonnes, ce qui n'existe pas vient à l'existence. Alors je déclare que tous ceux qui ont été affaiblis, tous ceux qui ont été rabroués. Merci Seigneur notre Dieu de leur donner cette force de demeurer dans la vision, dans la foi en toi, de ne point perdre la foi, de croire en toi que tu peux changer leur histoire, que tu peux changer leur destinée, que tu es capable Seigneur notre Dieu de leur ouvrir des grandes portes. Merci de le faire et de repositionner tes enfants dans ta gloire, dans leur destinée, avec des témoignages étonnants, inouïs, afin que ton nom puisse être encore glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.